Si je prends le micro ici presque en impro, c'est pour essayer que ce soit beau de dire quelques mots. Musique. J'utilise les mots qui me donnent de la voix. Je refuse de vivre par défaut dans un système où les lois oublient le chant des oiseaux et nous font perdre la foi qu'intérieure il nous faut pour trouver notre voie dans ce monde qui serait beau si l'amour était roi. Sa place à une nuit éclairée par une pluie d'étoiles. Jonglant avec sa clarté, la lune dessine les ombres sur le sol. Et pas peur, je suis un slammer. Je ne suis pas le majordome, je suis le capitaine d'homme. C'est à la guitare et la voix sans peur que je conduis les baroudeurs. Je vis dans un vaisseau spatial. Je vis comme un étudiant qui n'a pas beaucoup d'argent. Je suis loin d'être mendiant. Je connais beaucoup de gens, des jeunes, des vieux et des enfants. Joyeux, triste ou hilarant. Malgré ça, j'ai des moments de manque d'amour envahissant. Des instants vécus qui précèdent les inconnus. Je me guide à la boussole quand je décolle loin du sol. J'écoute les échos lointains des voix qui se mettent sur mon chemin. Comment vous est-il arrivé en regardant la télévision de vous mettre à pleurer devant les informations? Je ne suis pas un être humain, je ne touche pas avec les mains. Noir, jaune, rouge ou bleu, je vois plus la couleur avec les yeux. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts à décoller ?